Bien-aimé, je dis bonjour à tout le monde et aujourd'hui encore, je vais continuer mon exhortation de la dernière vidéo parce que l'heure est grave et on ne peut pas se taire. Nous devons dire la vérité au peuple de Dieu car à l'heure où je vous parle, beaucoup de loups se sont injectés au milieu des brebis. Les brebis du Seigneur. Satan a injecté dans l'église des loups. Des loups qui sont là pour le sexe, l'argent, la gloire, les richesses, les bénédictions. Bien-aimés, je vais vous dire tout simplement que pour connaître un faux homme de Dieu, pour connaître qui est faux, qui est vrai, ça ne sert à rien de tourner en rond. La réponse est simple. La première personne qui prêche l'évangile dans le Jourdain s'appelle Jean-Baptiste. Lorsque les gens venaient voir Jean-Baptiste, Jean-Baptiste leur parlait de la repentance. Bien-aimés, tout faux homme de Dieu, tous ces loups qui sont dans les églises, ne sont pas là pour le salut des âmes. Ils sont là pour les choses de la terre. Parce qu'ils ont été voir des marabouts pour avoir le pouvoir d'opérer des miracles dans l'église. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit que moi, je ne suis pas né chrétien. J'étais païen et j'ai beaucoup roulé la bosse dans le milieu des fétiches. J'étais avec des grands marabouts et c'est moi qui jouais le rôle de secrétaire d'un grand marabout. Je préfère taire son nom pour le moment. C'est-à-dire que lorsque les gens venaient voir ce monsieur et que le client était assis en face de lui, lorsque les démons rentraient en lui et qu'il se mettait en transe, c'est moi qui devais écrire dans le gros cahier, parce qu'il avait un gros cahier, tout ce que le démon dit à travers sa bouche à propos du client qui est assis en face de lui. J'étais le seul qui entrait dans le local en question et qui devait entendre tout ce qui est dit, puisque je devais tout mentionner, je devais tout noter. C'est ce que je faisais. Et j'ai vu des autres personnalités venir. C'est pourquoi je confirme à tout enfant de Dieu, où que tu sois, il n'y a pas de doute à se faire là-dessus. Oui, des faux hommes de Dieu viennent voir les marabouts. Je parle de mon cas. Moi qui vous parle, le grand marabout m'avait préparé deux chevalières. J'avais une grosse bague par ici, une autre grosse bague par là. Par exemple, la grosse bague qui était là, devait me servir si un jour je suis attaqué. C'est-à-dire, si j'ai un problème avec toi, même si c'est toi qui as raison, c'est toi qui seras même la première à me dire, non, laisse te dire, non, tu as raison, c'est moi qui ai tort, tout seul, parce que tu es envoûté par la puissance de la balle. La seule interdit, il ne fallait pas, lorsque je couche avec une femme, que la main la touche le vagin de la femme. C'est-à-dire ça ne devait pas toucher le vagin de la femme, cette main-là. Mais la chevalière était ici. Il y avait une autre grosse chevalière par ici. Ça aussi avait un rôle. D'accord? Lorsque j'ai accepté Jésus en 1988, j'ai tout brûlé. J'ai accepté le Seigneur en 1988. Et depuis 1988, je suis avec Jésus, la main dans la main. Donc quand je viens condamner et dénoncer les pratiques des faux hommes de Dieu auprès des marabouts, je ne parle pas parce que quelqu'un a fait une vidéo. Je ne parle pas parce que quelqu'un a entendu. Je parle de ce que je veux. Oui, c'est vrai. Ils viennent auprès des marabouts faire des fétiches, travailler des mouchoirs, travailler des balles. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai appris par un frère hier que certains hommes de Dieu sont au courant que le peuple de Dieu connaît déjà les balles. Parce qu'on en parle tellement. Que font certains faux hommes de Dieu? À l'heure d'aujourd'hui, ils enlèvent les bagues. Ils enlèvent les bagues, mais la bague est dans sa veste. Vous le voyez là, la bague est dans sa veste. Et tant que la bague est dans la veste, la puissance démoniaque qui est en relation avec la bague va toujours agir. Je vous ai dit la dernière fois que certains vont voir le marabout avec une grosse chaînette. Dans mon cas, ce que je voyais, tu as amené une grosse chaînette Le bas de la chaînette se termine par un crucifix, une croix. Le marabout va faire des pratiques la nuit. D'après ce que j'ai vu de mes propres yeux, le monsieur travaillait en présence de moi. Ça se passait entre 1h du matin et 3h du matin. C'est là où tout se faisait. Le marabout ne dormait pas. C'est moi qui allumais les bougies. C'est moi qui allumais les bougies. Et on partait parfois la nuit dans la forêt. D'accord? Le marabout travaillait avec lui. Il faisait les incantations que moi je ne peux pas réciter. Il faisait les incantations et la personne, généralement les hommes de Dieu ne viennent pas, généralement, ils ne viennent pas récupérer. Ils envoient quelqu'un récupérer et le marabout a fait le petit paquet. Parce que même la personne qui est venue récupérer ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que le marabout emballait. Et le jeune homme qui est venu récupérer va donner ça. Il amène ça au pasteur. Parfois, le marabout, en relation avec le pasteur, allait à l'église la nuit. C'est-à-dire, ils vont à l'église, aller planter des choses. Et le marabout fait des incantations dans l'église. Parfois, le marabout donne des trucs à l'homme de Dieu. Bon, l'homme de Dieu, moi je l'appelle l'homme du diable. Pour moi, ce n'est pas l'homme de Dieu. Parce que Dieu ne travaille pas avec les marabouts. Moi, je l'appelle les hommes du diable. Ces hommes du diable qui s'autoproclament bishop, évangéliste, pasteur, prophète, pour tromper les brebis du Seigneur. Le marabout allait la nuit. Parfois, le marabout devait dormir dans l'église entre 24h et 4h du matin. Il devait vite rentrer. Donc, enfant de Dieu, vous avez tout entendu. Qui va encore dire qu'il n'a pas entendu? Nous sommes dans à l'âge, à l'heure où, aujourd'hui, même des enfants sont au courant. Ces hommes de Dieu, ces hommes du diable, moi je préfère les appeler hommes du diable, parce que un homme du diable a le langage de son père. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il fait son jeûne tranquillement dans le désert. Ce rigolo qu'on appelle le diable, il vient le voir. Et il lui dit, regarde toutes les richesses de la terre. Si tu m'adores, je te les donne. Le diable ne lui dit pas, ça ne sert à rien de faire tes jeûnes et prières. Si tu m'adores, je te donne le paradis, je te donne le royaume de Dieu. Ne te tracasse pas à souffrir de faim. Non, le diable lui présente les choses de la terre. Satan ne présente que les choses de la terre. Satan présente toujours à l'homme les choses de la terre. Pourquoi? Parce qu'il sait que nu, tu es sorti du ventre de ta mère, nu, tu partiras. D'accord? Même si ton compte bancaire est rempli, d'accord? Tu n'amèneras rien dans le cercueil. Même tes grosses voitures 4x4, ils resteront là. Mais Satan a eu ton âme. Et ton âme, tu vas souffrir dans un feu. Le feu qui a été préparé pour Satan et ses démons. Et toi, tu vas te retrouver dans Satan. C'est très bien. En échange de ton âme, qu'il peut te donner toutes les richesses de la terre, parce qu'il sait qu'un jour, la mort va te frapper et tu n'amèneras rien. Mais en attendant, lui, il a saisi ton âme pour l'éternité dans le feu. Et ce serait trop tard pour toi. Parce que la repentance, c'est maintenant que ça se fait. La repentance, ce n'est pas après la mort. Les messes de requiem ne changeront rien. C'est de son vivant, je dis bien, que l'homme doit donner sa vie à Jésus-Christ et se repentir de ses péchés. Je connais un monsieur, un oncle à moi. Il avait signé des pactes dans des loges. Et ce monsieur avait l'argent. Ce monsieur avait épousé une femme, elle s'appelle Rose. Quelle beauté, était très belle. Quand quelqu'un appelait Rose, mon Dieu, monsieur se mettait dans tous les états. Il était hyper jaloux. Et quand le diable l'a tué par une maladie bizarre, sa femme est restée. Tous les voyous du quartier couchent avec elle. Et quand je vois ça, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que la vie sur terre? Salomon a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Il a raison. Ça ne fait pas longtemps, la femme là, il fallait même pas lui dire bonjour. Monsieur se mettait dans tous les états. Et voilà qu'aujourd'hui, même tous les petits voyous, tout le monde va prendre son pied. Je veux dire par là que les biens de cette terre ne servent à rien. Toi qui m'écoutes, tu te dis homme de Dieu. Tu sais au fond de ton cœur que tu travailles avec la puissance des démons et que Dieu n'est pas avec toi. Mais tu fais ça pour gagner de l'argent parce que tu veux une grande église. Tu veux beaucoup de personnes parce que si la foule est nombreuse, plus il y aura beaucoup d'offrandes, beaucoup de dîmes. C'est pourquoi tu signes le pacte avec des marabouts pour avoir une grande église dans le but d'obtenir de l'argent. Et il y a certains faux hommes de Dieu qui disent, bon, dans un premier temps, je démarre avec le diable et quand je serai dans l'argent, je veux me repentir. Mon cher ami, tu perds ton temps. On ne peut pas profiter des biens du diable. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas profiter de ce que Satan t'a donné. Satan te le fera payer. Ça, c'est clair. Il ne donne rien gratuitement. C'est Dieu qui donne gratuitement. Parce que Dieu est amour. Tu ne peux pas rouler le diable dans la farine. Tu ne peux pas aller profiter de ses biens et dire, après, je veux me repentir. Ce n'est pas possible. Parce qu'à partir du moment où tu rentres dans ses biens, lui, il a déjà la main sur ton âme. Et ton compte est scellé. La Bible déclare, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Celui qui s'est engagé dans l'occultisme, dans l'ignorance, et toi qui s'engages, alors que tu sais très bien que là, la bague que j'ai là, hein, les gens qui tombent par terre là, c'est pas Dieu. Tu le sais toi-même. Tu sais très bien que les gens tombent par terre à cause de le mouchoir magnétisé que le marabout a préparé. Tu sais très bien d'où vient la puissance que tu utilises. Je vais dire aux enfants de Dieu, voilà comment vous pouvez démasquer facilement un faux homme de Dieu. Écoutez-moi bien. Le faux homme de Dieu, il a une église. Dimanche matin, la chorale commence. Louange, adoration. Et quand ce homme du diable, parce que moi je ne l'appelle pas homme de Dieu, lorsqu'il vient prendre le micro, vous allez remarquer qu'il ne prêche pas. Le plus souvent, ça démarre 1000 à l'heure par des prophéties. Toi, voilà ce que Dieu me dit à propos de ton problème. Toi, parfois il n'a même pas prêché. Tout de suite, c'est des visions. Tout de suite, c'est des prophéties. Tout de suite, c'est des délivrances. Toi. Dieu me dit que tu as un problème. Toi. Tu as ça dans ton sac. Toi, viens ici. Je m'adresse à toi. Toi qui portes la chemise bleue là. Viens, monsieur. Viens, madame. Toi, viens. Il a prêché la parole à quel moment? Dieu n'a jamais suscité un ministère spécial délivrance, guérison, miracle. Un ministère qui vient de Dieu ne peut être parlé que de sanctification. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Vous le savez très bien. Lorsque Jean-Baptiste a prêché dans le Jourdain, les gens venaient vers lui. Il leur disait, repentez-vous. Et Jésus-Christ lui-même, pareil. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le message n'a pas changé. Dieu sait que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais ces faux hommes de Dieu, ils ne prêchent jamais sur le péché. Ils ne prêchent jamais sur la sanctification. Ils viennent vers vous que pour parler de miracles. Un chrétien ne doit pas être pauvre. Hein? La Bible dit, ça c'est leur truc, hein? Ils s'appuient sur ça. La Bible dit, il faut que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc, Dieu est pour la prospérité. En tant que chrétien, tu ne dois pas être pauvre. Viens ici, je vais briser la malédiction. Viens ici. Mais la parole de Dieu a été prêchée quand? On peut avoir les biens de la terre et aller en enfer. On peut obtenir une guérison par une prière et aller en enfer. On peut être prospère et aller en enfer. Les choses de la terre ne sauveront pas ton âme. Dieu le sait. C'est pourquoi il a dit à quoi ça sert à l'homme de gagner les biens du monde s'il perdra son âme. Dieu sait que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est pourquoi quand Dieu vient vers les hommes, il met en premier la sanctification. Parce que Dieu sait que sans ça, Jean-Baptiste parlait de la repentance. Jésus a attaqué le péché, l'hypocrisie des pharisiens. Parce que sans la sanctification, ces faux hommes de Dieu, c'est pourquoi je vous disais, certains ont des bagues données par des marabouts, d'accord? Sachez que la puissance qui fait tomber les gens, la puissance qui lui donne le pouvoir de prophétiser, la puissance qui lui donne le pouvoir de faire les délivrances, cette puissance est attachée à la bague. Je parle de ce que j'ai vu, pas ce qu'on m'a dit. Cette puissance est liée à la bague. D'accord? Sachez, c'est pourquoi je vous ai dit dans une vidéo, celui qui ne me croit pas, prend un entretien avec un homme de Dieu qui a une chevalière au doigt. D'accord? Tu vas le trouver à son bureau. Tu lui dis, pasteur, j'ai entendu quelqu'un dans une vidéo parler de bague. Moi, je me méfie. Est-ce que tu peux enlever ta bague là, bien-aimé? Hein? Et puis tu prieras pour moi. Quand tu vas terminer la prière, tu remets la bague. Il ne va pas accepter. Parce que lui, il a confiance à sa bague. Il sait que la puissance qui te fera tomber est liée à la bague par rapport au travail que le marabout a opéré. Il sait très bien que le mouchoir que vous voyez là, le micro ici, le mouchoir de l'autre main, c'est pas un mouchoir sain. Le mouchoir a été travaillé la nuit par un marabout. Le mouchoir, c'est un mouchoir magnétisé. Le mouchoir que vous voyez, il tient le micro ici et l'autre main, il a un mouchoir. Si vous lui dites, pasteur, voici un mouchoir neuf, prenez-le et celui-là, laissez-le là-bas. Il ne va pas accepter parce que c'est ce mouchoir que vous le voyez là. Il tient le micro ici, le mouchoir est là. Le mouchoir là est magnétisé, ce n'est pas un mouchoir simple. Parce que moi, j'ai vu le marabout faire ça. Le marabout t'embête, il te dit, personne d'autre ne doit utiliser ce mouchoir. C'est toi qui le tiens. Et généralement, il va le sortir lorsqu'il va bientôt prier pour les gens. Vous avez ces faux hommes de Dieu que je voudrais aussi dénoncer. Parce que beaucoup de femmes m'ont dit, pasteur, voilà ce que j'ai subi. Voilà ce que j'ai subi. Prie pour moi. Vous avez ces faux hommes de Dieu. Ils font des campagnes d'évangélisation. Ils sont beaucoup coureurs de jupons. C'est l'un des signes des faux hommes de Dieu. Ma soeur, madame, où que tu sois, un homme de Dieu qui te drague, c'est un faux homme de Dieu. L'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Paul savait que je ne suis pas sauvé parce que je suis grand bishop, grand révérend, grand pasteur, général de Dieu, général de ceci. Il savait que sans la sanctification, aucun homme ne peut être sauvé. C'est pourquoi il traitait durement son corps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui maîtrisait ses désirs charnels. Paul ressentait, c'était un être humain comme nous. Il ressentait des désirs. Il traitait durement son corps. Il disait à son corps, pas question. Moi, je ne veux pas faire ça. Tu veux l'alcool, pas question. Tu veux le sexe, pas... C'est quelqu'un qui traitait durement son corps. Parce que Paul était conscient que sans la sanctification, personne ne peut être sauvé. C'est pourquoi le faux homme de Dieu, comme il n'a pas Jésus en lui, il travaille avec la puissance du diable qu'il a reçue par un marabout. Il le sait, lui le sait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à coucher avec les femmes. Dans la chorale, il couche de gauche à droite. Dans l'assemblée, il couche parfois les femmes des autres. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est à fond. Il est marié parfois, mais il a des copines dehors. Et le grand mensonge, je veux te dire, toi, ma soeur en Christ, où que tu sois catholique, protestant, tout ce que tu veux, si un homme de Dieu a couché avec toi, il faut le dénoncer. Parce que le mensonge de ces hommes de Dieu, c'est quoi? Il couche avec une femme et il dit à la fille, faut jamais parler. Si tu parles, Dieu va te maudire. Si tu parles, une malédiction va te frapper. C'est un mensonge. Il faut le livrer, il ne faut pas te taire, il faut le livrer, aucune malédiction ne va te frapper. C'est un mensonge. Il couche avec les femmes, il dit à la femme, tant pis pour toi si tu dénonces, tant pis pour toi si tu en parles. Une malédiction va te frapper si tu parles. Et beaucoup de femmes ont fermé les bouches parce qu'elles ont cru à ce mensonge. Un homme de Dieu vrai ne vit pas dans le péché. Un vrai ne vit pas dans la fornication. Un vrai homme de Dieu, c'est quelqu'un qui vit dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Et la Bible dit les débauchés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les débauchés. Et vous avez des pasteurs débauchés. Ils passent plus longtemps à draguer les femmes. Quand il va dans une ville, invité par une église, on lui trouve une chambre à l'hôtel et il passe tout son temps à téléphoner les femmes. Parce qu'il veut qu'une femme aille le trouver à l'hôtel pour coucher avec. Et beaucoup de sœurs, quand même, hein, le pasteur qui te dit déshabille-toi, il touche ta sœur, il touche ton corps. On a vu ça où? Quel disciple de Jésus a fait ça? Toi qui vas donner tes fesses à ces faux hommes de Dieu, tu vas coucher avec. Et tu fermes ta bouche, tu ne parles pas, tu ne le dénonces pas. Mais le diable va te détruire. Parce que lorsque le rapport sexuel a eu lieu, ce faux homme de Dieu, tu ne sais pas ce qu'il a fait sur ton corps. Parce qu'il a des fétiches. Tu couches avec lui, tu vois les grosses chevalières qu'il a au doigt. C'est des chevalières de fétiches que le marabout a donné. Mais la malédiction va te frapper si tu continues à le cacher. Je te révèle que Jésus est venu livrer Satan publiquement en spectacle. Et Jésus a livré également en spectacle les œuvres du diable. Jésus n'a jamais caché les œuvres du diable. Il les a livrées. Il ne faut pas cacher les œuvres du diable. L'homme de Dieu a couché avec toi, ce faux homme de Dieu, et puis tu dis, tant pis pour toi, le jour où tu vas parler, tu vas mourir. Le jour où tu vas parler, Dieu va te frapper. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Il faut le livrer. Il faut le livrer. Un homme de Dieu qui te drague, c'est le signe que c'est un faux. Oui, mais comment on va connaître les faux hommes de Dieu? À partir du moment où un homme de Dieu te drague, c'est un faux homme de Dieu. Un homme de Dieu qui couche avec les femmes de gauche. Si un homme de Dieu a couché avec toi, c'est pas un homme de Dieu, c'est un faux. C'est un faux, c'est un loup. Le vrai homme de Dieu a la crainte de Dieu. Comme Paul. Donc, faites attention. Parce qu'aujourd'hui, ces faux hommes de Dieu, quand ils vont dans les églises, hein, on lui donne le micro après la louange et l'adoration. Tout de suite, il démarre avec les prophéties. Tout de suite, il démarre avec des paroles de connaissance. Bien-aimé, la Bible dit, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 16. Une païenne, une femme païenne, qui avait un esprit en lui, un esprit de python. Et cette femme voyait Paul et sa délégation passer. Et à chaque fois que Paul passait, la païenne disait, ces gens sont des serviteurs de Dieu. Ces gens que vous voyez sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. La femme-là n'était pas prophète de Dieu. Cette femme n'avait rien de Dieu, n'avait pas le Saint-Esprit en lui. La Bible dit, elle avait un démon de Python. Et c'est ce démon de Python qui voyait que Paul était serviteur de Dieu et que Paul annonçait la voie du salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup d'hommes de Dieu ont l'esprit de Python que Satan leur a donné à travers la bague qu'il a au doigt, à travers le mouchoir qui a été travaillé. Je vous signale également que d'autres amènent des cartons d'huile d'olive. On l'amène chez le marabout. Le marabout va travailler. Et quand l'homme de Dieu ramène ce tuile à l'église, ce tuile est déjà pourri. L'huile est déjà mauvaise, l'huile est déjà infectée de démons. Parce qu'on a travaillé sur ce tuile. On a fait des incantations. Tant pis pour toi. Et le pasteur, comme ce faux pasteur, parle le langage de son père. Jésus a dit, votre père c'est le diable. Et leur papa c'est le diable, le père du mensonge. C'est pourquoi tous ces faux hommes de Dieu sont comme leur père, ce sont des menteurs. Il sait très bien, il est conscient que l'huile là, le marabout l'a travaillé la nuit. D'accord? Il a travaillé dans l'huile là la nuit et il vous passe cette huile en l'appelant huile d'onction. Il vous dit, prends l'huile d'onction. Alors que lui, il est conscient que cette huile a une onction, oui, mais cette onction ne vient pas de Dieu. C'est l'onction démoniaque. Il sait très bien que le marabout a touché là-dessus. Et il te passe les bouteilles, viens chercher l'huile d'onction. Et tu es étonné que quand tu amènes cette bouteille d'huile chez toi, rien ne change dans ta vie. Parfois, tu as des cauchemars, des esprits, des hommes, des femmes de nuit qui viennent dormir, coucher avec toi. Bien-aimé, personne n'ira dire à Dieu, je n'étais pas au courant. Le Seigneur a permis à des gens comme moi, qui étaient dans des pratiques occultes à fond, n'est-ce pas? Il les a touchés, délivrés du diable pour que nous, nous puissions venir parler. Moi, je ne parle pas parce que quelqu'un a dit, je parle du vécu, je parle de ce que j'ai vu. Moi qui vous parle, j'avais deux grosses chevalières. Et je pouvais voir les ministres, les officiers d'armée venir faire des chevalières, venir travailler chez le marabout. D'accord? Et combien de femmes, devant moi, que ce marabout a couché. Je me souviens, il y avait des séances qu'on partait faire dans la forêt. La nuit, on partait dans les profondeurs de la brousse, généralement à côté d'une rivière. Toujours à côté d'une rivière. Parce qu'ils devaient invoquer les esprits des eaux. Ça se passait. On allumait les bougies entre 1h et 3h du matin dans une forêt totale. Et ce monsieur, il prenait des jeunes femmes. Par exemple, tu amènes ta femme. Toi, tu es dans un coin là-bas, il prend ta femme, il l'amène dans un coin de la rivière, il dit, je m'en vais lui laver le corps. Et quand il arrive là-bas, il dit à la femme, pour que ton problème puisse, pour que tu puisses obtenir une réponse, il n'y a pas 1000 trucs à faire, il faut que je passe dans tes fesses. Et beaucoup de femmes lui donnaient les fesses. Et une fois qu'il couche avec, et dit à la femme, malheur à toi. Parce que les malédictions que j'ai enlevées là, si tu dis à ton mari, ils vont revenir sur toi. Et c'est comme ça que les femmes venaient, tranquillement, elle ne dira jamais à son mari. Parce que le marabout lui a dit, malheur à toi. Parce que si tu racontes un jour, les malédictions vont te frapper. Et la femme bloque la bouche. Mais moi, j'étais au courant parce qu'il me racontait. Il me dit, les trois que j'ai amenés, j'ai tous couché. Ah bon, ouais. Parce qu'on était comme ça. Parce que c'était moi qui étais son secrétaire. J'étais le seul qui assistait dans tout ce qu'il faisait. Donc, bien-aimé, je vous ai tout dit. Un, ces gens-là ne prêchent jamais sur le péché. Jamais. Quand, et j'ai entendu l'un d'eux dire un mensonge à une femme. Il disait à une femme, moi, Dieu m'a appelé spécialement pour guérir et bénir les gens. C'est un mensonge. Il n'existe pas de ministère spécial délivrance, guérison, prophétie, et uniquement ça. Qu'on soit évangéliste, pasteur, prophète, docteur, apôtre, tout ce que vous voulez. Tous les hommes de Dieu ont un message de base, la repentance. Parce que Dieu sait que même si tu es guéri, ça ne t'amène pas au ciel. Souvenez-vous de ces 10 lépreux, ces gens qui souffraient de la lèpre. Ils avaient entendu, peut-être au quartier, quelqu'un leur dire, il y a un Jésus, Jésus de Nazareth, l'homme l'a guéri les gens. Et les 10 lépreux, ils se sont dit, on va aller là-bas, on en a marre de notre lèpre. Ils étaient 10. Et quand ils sont venus vers Jésus, Jésus les a guéris. Mais la Bible dit quoi? Un seul est venu voir Jésus, a continué à suivre Jésus, parce que celui-là se disait, je ne veux pas me contenter d'une simple guérison. Celui-là peut me donner plus qu'une guérison. Et c'est le salut qui est plus qu'une guérison. D'accord? Et les 9 autres, ils sont partis. Parce qu'ils sont venus juste pour une guérison. Le reste ne les intéressait pas. Effectivement, vous avez dans nos églises des gens au quartier qui ont entendu que oh, moi je suis fatigué. J'ai fait le tour des médecins, le tour des marabouts. Ma situation ne change pas. Je veux aller essayer avec Jésus à l'église. Mon commerce ne fonctionne pas. C'est Dieu qui bénit. Je m'en vais à l'église pour avoir la bénédiction pour mon commerce. Mon mari ne me regarde plus. Ses yeux sont que dehors. Je m'en vais à l'église pour qu'on prie pour moi. Donc, vous avez plein de trucs. D'autres, oh, j'en ai marre. Pourtant, je suis une belle femme. Je ne trouve même pas de mari. Je m'en vais chercher la bénédiction dans l'église. Donc, vous avez... Et tant que vous avez ces gens qui viennent uniquement pour des bénédictions. Mais les faux hommes de Dieu, c'est normal qu'il y ait du monde. C'est normal. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu au chapitre 24, au verset 24, que ces faux-là vont faire des miracles et que beaucoup vont les suivre. Jésus dit beaucoup. Parce que vous avez des gens qui cherchent que le miracle. Ils ne regardent même pas que cet homme a fait le miracle. Est-ce qu'il l'a fait selon les Écritures? Il opère les miracles. Est-ce qu'il le fait bibliquement parlant? Tout dernièrement, j'ai vu un monsieur. Je vous dis, quand je l'ai vu, micro à la main, je voulais vomir. C'est le terme. D'accord? Cet homme, quand il fait ses miracles, il appelle, l'église a terminé la louange et l'adoration. On lui donne le micro. Les gens s'attendaient à un message. Tout de suite, monsieur démarre avec les prophéties. Toi, voici ce que Dieu me dit. Toi, viens ici. Il commence à parler. Oui. Ouh, mais où est la parole? Et comme le diable aime le spectacle, monsieur s'est mis en spectacle. Hein? Et qu'est-ce qu'il faisait? Il avait le micro ici, il souffle sur le micro. Une fois qu'il souffle sur le micro, il fait fire, fire, fire. Et les gens tombent par terre. Je suis désolé. Monsieur, toi qui le fais, tu es un homme occulte. Tu travailles avec la puissance du diable. La Bible dit, c'est Jésus qui a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. En son nom, pas au nom de fire, fire, fire, ou bien feu, feu, feu, feu. C'est au nom de Jésus qu'on guérit les malades. C'est au nom de Jésus qu'on chasse les démons. Pas au nom de feu. Pas au nom de fire. D'accord? C'est pourquoi soyez très très pointu, peuple de Dieu. Le miracle est là, oui, mais regardez comment est fait ce miracle. Est-ce que ce miracle est fait? Connaissez-vous un disciple de Jésus qui dit feu, feu, feu, et puis délivrance, feu, feu, feu, guérison? C'est quel disciple? C'est quel disciple? Regardez bien leur façon de faire. On souffle sur le micro. Fire! Fire! C'est des histoires. À partir du moment où un miracle se fait, en dehors du nom de Jésus, c'est de la sorcellerie. Ce miracle ne vient pas de Dieu. Les miracles de Dieu se font au nom de Jésus. Les miracles de Dieu, les délivrances de Dieu se font au nom. Jésus a dit en mon nom. Jésus n'a jamais dit au nom de feu. Fire, fire, fire, fire. Et puis la personne est dans tous les sens, les démons se manifestent. Fire, on souffle sur le micro. Fire, on souffle sur le micro. Feu, feu, feu, feu. Non, non, non, bien aimé, c'est du diable. Cet homme n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu, ces miracles se font au nom de Jésus. Par un autre nom. Pas sur feu, pas sur fire en anglais. Hein? Pas sur... Tu entends n'importe quoi. Regardez comment l'homme de Dieu opère pour obtenir le miracle. Ça, c'est très important. Le miracle de Dieu se fait au nom de Jésus, rien qu'au nom de Jésus. Pas par une autre façon de faire. Au nom de Jésus, point barre. Tout ce qui ne se fait pas au nom de Jésus est démoniaque. C'est pourquoi vous devez faire attention. Quand j'ai vu ce rigolo, il souffle sur le micro, fire. Mais je vous dis, les gens tombaient par terre. Et il se disait, ouais, ça c'est un esprit de python, ouais. Et monsieur se mettait en spectacle. Et les gens étaient épatés. Les gens le regardaient comme ça, comme un ange. Et il souffle sur le micro, fire. Et puis enchaîner de prophéties. Toi, toi, voilà, viens, viens, viens ici, viens. Monsieur, viens, viens. Toi qui portes la veste, viens ici, viens ici. Et madame, madame, madame, oui, approche, approche, approche. Monsieur, on a commencé de midi jusqu'à plus de 17 heures. C'est-à-dire que c'est des gens. L'autre signe que je vais vous dire, ni Jésus, ni les disciples de Jésus ont fait un truc pareil. Vous avez, tu veux connaître qui est le faux homme de Dieu, qui a les pouvoirs occultes donnés par un marabout? Écoute bien ce que je vais te dire. Vous pouvez être 1000 dans une église. Vous pouvez être 10 000 dans une église. Ce monsieur a une prophétie pour tout le monde. Même si vous êtes 1000, il peut prophétiser pour les 1000 personnes. C'est pas biblique. Moi, je défie quiconque, viens m'ouvrir ta Bible et me montrer où c'est biblique. C'est du mensonge. Aucun disciple de Jésus, même Paul ne l'a pas fait. Vous pouvez être 200 personnes dans une réunion. Il a une prophétie pour tout le monde. Cas par cas. Toi, prophétie. Toi, prophétie. Même vous êtes 1000 personnes, il peut prophétiser à chacun, au cas par cas. C'est du mensonge. C'est pas biblique. Moi, je suis pasteur. Je suis un homme de Dieu. Il y a des moments où le Seigneur m'utilise dans les paroles de connaissance. D'accord? Il y a des moments. D'accord? Mais dire que le Saint-Esprit qui est en moi, qui est dans tout enfant de Dieu, vous êtes 2000 personnes, il a une prophétie pour chaque personne. Toi, une prophétie. Toi, c'est un signe. Je vous le dis. Les yeux dans les yeux, je le dis. Devant Dieu le Père, devant Jésus-Christ, devant le Saint-Esprit, que cette façon de faire n'est pas de Dieu. Dieu entend ce que je dis. Si ce que je dis est faux, qu'il me prenne le souffle de vie tout de suite. Parce que je sais, en tant qu'homme de Dieu, que ce que je dis là est la vérité. C'est l'un des signes des faux prophètes. Mais pourquoi je vous le dis? La femme qui a dit à Paul, cet homme est un serviteur de Dieu, il vous annonce la voie du salut. C'était un démon qui prophétisait par la bouche d'une femme païenne, d'une sorcière. Donc ça doit vous amener à comprendre que même le diable prophétise. C'est l'esprit de Python, d'accord, qui prophétisait de la bouche d'une sorcière, d'une voyante. Et ce qu'il disait était vrai. Donc, quand j'entends, surtout les femmes, oh, l'homme de Dieu, ce qu'il me dit, là, est vrai, c'est, Dieu est avec lui. Oh, l'homme là, l'ancien, oh, et ce qu'il m'a dit est vrai. Mais la femme qui avait l'esprit de Python, Actes des Apôtres, chapitre 16. Est-ce que ce que cette femme avait dit sur Paul était vrai? Oui, Paul est bien serviteur de Dieu, Et Paul annonce la voie du salut. C'est ce qu'elle avait dit. Et ça veut dire que c'est une servante de Dieu qui vous a dit que si quelque, l'homme de Dieu dit ce qui est vrai, donc c'est une preuve que c'est un homme, que c'est un homme de Dieu. La femme qui avait le piton, mais ce qu'elle avait dit était vrai. Est-ce que ça veut dire que cette femme est servante de Dieu? Donc il faut arrêter. Donc quand Jésus a dit que ces gens-là feront des miracles, et pourtant c'est des faux hommes de Dieu, mais ils feront des miracles. Mais qui fera les miracles à travers ces personnes? Ce n'est pas Dieu. Dieu n'utilise pas des faux hommes de Dieu. Dieu utilise ses envoyés. Mais les faux-là dont Jésus parle dans Matthieu au chapitre 24, ces faux-là qui font des miracles, c'est Satan qui fait les miracles à travers ces faux-là. Mais c'est des vrais miracles, puisque Jésus dit qu'ils feront des miracles, c'est des vrais miracles. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est l'Esprit de Dieu qui habite en eux. Donc il faut arrêter de croire que parce que ce que l'homme de Dieu t'a dit est vrai, parce que j'ai vu là, à Aubervilliers, Paris Nord, d'accord, un homme de Dieu ivoirien qui disait à une femme, pendant ses prophéties, tu as 10 euros là dans la poche, et puis la femme a dit, oh c'est vrai, la femme a monté dans les deux, j'ai bien 10 euros. Mais ça, c'est pas, ça ne veut pas dire que c'est un homme de Dieu qui est en face de toi. Ça ne veut pas dire que c'est un homme de Dieu, parce que même les faux aussi, même les Satan aussi voit ce qu'il a. Mais souviens-toi dans les évangiles, à chaque fois que les démons se manifestaient en présence de Jésus, qu'est-ce que les démons disaient? Tu es le fils de Dieu. Est-ce que Jésus n'est pas le fils de Dieu? Remarquez que les hommes, ils disaient que Jésus n'est pas le fils de Dieu, mais les démons, quand ils parlaient, disaient, tu es le fils de Dieu. Donc, on voit bien que les démons voient aussi. Donc, ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu te dit que forcément c'est un vrai homme de Dieu. Ce n'est pas parce que le miracle que tu as obtenu est vrai, tu n'as plus mal au genou, tu n'as plus mal au bas-ventre, tu n'as plus mal au dos, que c'est un homme de Dieu. Satan aussi fait ces choses. Satan aussi fait ces choses. Donc, il faut être vigilant. C'est pourquoi je disais que, sœur, un homme de Dieu a couché avec toi. Et il t'a dit, si tu parles, les malédictions vont te frapper. Si tu continues à le cacher, tu travailles pour le diable. Parce que Jésus a été le premier à livrer le diable et les œuvres du diable publiquement en spectacle. Satan est en position de faiblesse lorsqu'on dévoile ses œuvres. C'est la raison pour laquelle vous allez voir les faux hommes de Dieu qui couchent avec les femmes. Il te dit, tant pis pour toi. Le jour où tu vas parler, tu seras frappé par Dieu, va te frapper. La malédiction va t'atteindre. Je te fais savoir que c'est du mensonge. Si tu ne parles pas, tu joues pour le diable. Donc, il faut vite parler, il faut le dénoncer. C'est pas un homme de Dieu. Il faut le dénoncer. Donc, soyez vigilants. Faites attention. Avec des barbes aux doigts. Certains hommes de Dieu aujourd'hui, puisqu'il y a déjà eu trop de personnes qui parlent de barbes, il paraîtrait qu'à l'heure où je vous parle, beaucoup enlèvent maintenant la barbe au doigt, ils le filent dans la veste. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque les gens ont demandé à Jésus, Seigneur, par quel signe on va reconnaître les faux hommes de Dieu? Jésus dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Jésus n'a jamais dit, vous les reconnaîtrez par leurs paroles. Il a dit leurs fruits. Mais pourquoi? Parce que tout, qu'on soit vrai homme de Dieu ou faux, tout le monde lit les versets bibliques. Tout le monde lit la Bible. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est plutôt par leurs fruits qu'il faut regarder. C'est par leurs fruits que vous allez les reconnaître. Mais toi qui passes ton temps à coucher les petites filles, hein, tu vas passer l'évangile dans un coin, tu appelles les femmes la nuit, au lieu de dormir, au lieu de méditer la parole, puisqu'on t'a invité pour évangéliser. Toi, tu es à la chambre d'hôtel, tu te dis, il ne faut pas que je passe la nuit seul. Et tu passes tout ton temps, tu prends ton agenda, tu appelles toutes les nanas du coin. Et tu leur fais croire que si je couche avec toi, tu seras béni. Et après l'acte sexuel, tu leur dis, malheur à toi si tu en parles. Dieu va te frapper. C'est du mensonge. Mais moi, je te dis, tu vas mal finir. Tu vas être cramé dans l'enfer. Parce que tu joues avec les âmes. D'accord? Jésus-Christ est venu souffrir à la croix pour les âmes. Et toi, expressement, tu sais très bien que tu es en relation avec le diable grâce aux fétiches, grâce aux marabouts, aux choses qu'on t'a données. Tu es conscient. Alors que Dieu, jour et nuit, regarde la terre. Il veut que tout homme soit sauvé, tout homme. Est-ce que vous vous rendez compte de la colère de Dieu envers vous, vous les faux hommes de Dieu? Parce que le marabout là, le marabout qui est au quartier, Dieu a envie que le marabout soit sauvé. Mais comment voulez-vous que le marabout croit en Jésus quand ceux qui se disent pasteurs vont faire des courbettes auprès de lui. Alors que Dieu veut que l'âme du marabout soit sauvée. Dieu a envie que le marabout abandonne le diable et vienne vers Jésus. C'est ce que Dieu veut. Mais si Dieu veut ça, toi qui se dis pasteur, tu vas voir le marabout faire des courbettes. Comment voulez-vous que les marabouts viennent à Christ? Et quand le marabout vous voit à la télévision en train de prêcher, il rigole. Et le marabout se dit, les histoires de Jésus là, c'est des histoires. Puisque ces gens-là qui tiennent les micros, qui ont les églises, c'est grâce à mon pouvoir. Leur Dieu là n'est rien. C'est grâce à mon pouvoir qu'ils font des miracles. Et comment voulez-vous que ces gens-là viennent à Jésus? Je ne sais pas si vous réalisez ce que vous faites, la portée de ce que vous faites. Vous empêchez ces gens-là de donner leur vie à Jésus. Parce que vous partez les voir. Et ils vont dire, mais ça ne sert à rien d'aller à l'église. Parce que c'est grâce à nos pouvoirs qu'ils font des miracles. C'est grâce à nous qu'ils font des miracles à l'église. Donc, à quoi ça sert d'aller les voir? Puisque c'est eux qui viennent nous voir. C'est eux qui viennent acheter nos pouvoirs. Et au lieu de s'arrêter là, les âmes, Dieu est amour. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Et expressement, vous amenez le peuple de Dieu à l'égarement. Vous savez très bien que les miracles, quand tu souffles là sur le micro, fire! Fire, tu sais très bien le pouvoir que tu utilises. Tu sais très bien que Dieu n'est pas dedans. Et tu veux garder le peuple de Dieu, ses âmes, loin de Jésus. Tu veux que ces âmes-là s'attachent à toi parce que tu veux une foule pour avoir beaucoup de francs, beaucoup de dîmes. Je ne sais pas si tu imagines un instant la colère de Dieu qui est sur toi. Mais Dieu te donne des jours, Dieu te donne le temps de te repentir. Parce que Dieu donne toujours le temps de se repentir. Après, quand tu vas mourir comme un chien d'une façon bizarre, ça va choquer le monde. Le monde dira, mais comment se fait-il qu'un homme de Dieu meure dans ces conditions-là? Mais les gens, eux, croient que tu étais homme de Dieu alors que Dieu, lui, voit ce que tu fais dans le secret. Dieu voit ta conduite dans le secret. Dieu le voit. Tu peux tromper les hommes, tu ne peux pas tromper Dieu. Et un jour, tu seras frappé. Dieu te donne le temps de se repentir. Mais un jour, tu seras frappé. Parce que tu peux tromper les hommes, tu ne tromperas jamais Dieu. Dieu sait ce que tu fais. Dieu sait avec quel marabout tu traites. Dieu le sait. Il te donne le temps de se repentir. Et au lieu de mourir seul, si tu veux donner ton âme au diable, tu amènes les enfants du Seigneur, tu les entraînes à l'erreur. Et au lieu qu'ils deviennent disciples de Jésus, ils deviennent tes disciples. C'est toi qui les suis comme des mouches. Enfant de Dieu, c'est ce que je tenais à vous dire. Merci pour les personnes qui ont suivi cette vidéo. Je vous informe, pour les personnes qui ne le savent pas, que moi, le pasteur Teddy, je fais également des publications sur Facebook. Le groupe Facebook, le groupe Jésus, c'est Jésus. Ça, c'est le nom du groupe sur Facebook. Donc, si vous venez, vous tapez Facebook, vous trouvez, vous pouvez marquer Jésus. C'est Jésus. Tout est en majuscule. Tout est en majuscule. Jésus, c'est Jésus sur Facebook. Sur ce groupe-là, j'interviens également là-bas. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Amen.